En l'an 1000, Dieu créa l'homme. En 98, l'équipe de France gagna la Coupe du Monde. En 2001, les États-Unis subissent un terrorisme. Et en 2010, un